Exercice 7, page 92. A. Je prends mon manteau. B. Ouvre ton cadeau. C. Il mange son gâteau. D. J'adore nos surnoms. E. Mettez vos chaussons.